Alors, je voudrais remercier l'invitation pour être ici. Je suis ravi d'être dans cette conférence, non seulement du point de vue scientifique, mais dans cette ambiance fantastique, je crois. Et alors, je m'excuse de mon français, mais je m'essayerai de me faire comprendre. En fait, on m'a proposé ce thème. C'était M. Halleux, professeur Halleux, qui est de parler un peu du marquis de Pombal et de la politique scientifique du Portugal. C'est un sujet très très risqué, parce que la figure du marquis du Pombal est encore aujourd'hui très très controverse. Et je n'ai aucune prétention de présenter ici un dessin final ou une esquisse finale de cette personnalité si complexe, si controversée, si paradoxale. Et je serais très contente si ce qui est vraiment le paradoxe de cet homme devient apparent. Parce que je crois qu'il y a des indications très intéressantes là, non seulement pour l'histoire du Portugal, mais parce que dans une certaine façon, Pombal a comme que réverbéré des tendances européennes en général. Et de ce point de vue, on peut apprendre beaucoup avec ce qui s'est passé. On peut commencer immédiatement pour regarder cette représentation, que c'était sa représentation préférée, cette peinture. Et ce qu'on regarde, c'est qu'il se fait représenter comme un constructeur de la ville de Lisbonne, je parlerai de cela, et comme un homme qui a développé l'économie du pays. Il n'y a pas de la science là. Et ça, c'est un point très important. Quelques repères chronologiques pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, il s'appelait Sebastião José de Carvalho e Melo, un très gros nom. D'abord, il a été fait comte et puis marquis. Mais tout le monde le connaît par Marquis de Pombal, que c'était son titre après 1770. Le fait essentiel dans sa biographie, disons, en effet, c'est le tremblement de terre à Lisbonne en 1755. Je parlerai de toutes ces choses-là. Et puis, il y a un attentat au roi en 1758, ce qui lui fournit le motif pour déclencher une offensive énorme dans le pays, avec une attaque à la haute noblesse, une attaque extrêmement cruelle, extrêmement dure, avec des exécutions publiques des plus importantes familles du Portugal, et aussi avec l'expulsion de la Compagnie de Jésus. Et en conséquence de ce mouvement, et il faut expliquer un peu plus de détails, il initie une réforme vraiment impressionnante de l'enseignement secondaire, d'abord, et quelques ans après, de l'enseignement supérieur, cela veut dire de l'Université de Paris. Une réforme transcendante dans son ambition et en fait dans ses résultats. Mais il suffit ce résumé pour se rendre compte qu'on a ici une personnalité très compliquée. Et comme je disais, parler de Pombal, c'est toujours un exercice d'équilibrisme historique, parce que c'est très très facile de peindre une image d'un monstre, d'une brutalité et d'une répression sans pareil dans l'histoire du Portugal, et ça c'est vrai. Et c'est aussi facile de peindre une histoire d'un réformateur, d'une vision, d'un désir de modernisation, d'une détermination administrative peut-être s'emparer dans l'histoire du Portugal. Alors, comme ces deux images sont très faciles à faire, c'est difficile à faire une image juste. Bon, alors, on peut commencer. Il y a une considération pieuse très connue, c'est qu'il y a toujours quelque chose de bon, même dans les pires catastrophes. Et ces mots sont, disons, des désirs d'espérance, soit que soit. Mais dans la vie de Pombal, ces mots ont une réalité très précise. C'est que la catastrophe de tremblement de terre de Lisbonne de 1755 a complètement changé la carrière de ce fonctionnaire de la couronne à ce moment-là. Alors, le terrible tremblement de terre de Lisbonne fut l'occasion qui lui a permis de passer d'une place relativement discrète dans le gouvernement à ascendre à une position d'incontestable pouvoir et en fait tout puissant, un ministre tout puissant, puissant du roi du Portugal. L'aspect paradoxal, j'ai déjà mentionné, mais je voudrais seulement souligner qu'une des plus intéressantes études des dernières années sur Pombal, c'est l'étude de l'historien américain Kenneth Maxwell, qui a comme titre « Pombal, Paradox of the Enlightenment ». Et c'est ça un titre très précis, un paradoxe de l'illuminisme. C'est difficile à contester cette classification. Et il faut dire que adversaires et défenseurs des anciens de Pombal sont, je crois, d'accord sur ce point, hein, que l'homme, c'est difficile à classifier. Dans les premières heures du matin du 1er novembre 1755, un terrible tremblement de terre s'est abattu sur la côte atlantique du Portugal, avec des résultats spécialement calamiteux à Lisbonne. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes immédiatement avec les premiers chocs de tremblement. Mais ça, c'était seulement le commencement de l'enfer, disons. Une énorme vague tsunami s'est formée après et a complètement détruit tous les quartiers plus bas de la ville avec autres dizaines de milliers de morts. Et dans les jours suivants, un énorme feu s'est pris sur Lisbonne, totalement incontrôlé. À toutes ces circonstances calamiteuses naturelles, il faut encore ajouter les violences humaines. La ville a resté absolument chaotique pendant quelques semaines avec des pillages, tout type de violences, la faim, etc. Je peux donner comme exemple des excavations très très récentes des dernières 5 années ont découvert des squelettes de cette période-là avec des signaux clairs de cannibalisme. Ça pour donner une idée de la dramaticité de la situation. Carvalho e Melo, cet homme, avait commencé sa carrière d'une façon très discrète. En 1738, il avait finalement reçu sa première position publique comme ambassadeur du Portugal au Royaume-Uni. Et ça, c'est une expérience formative très importante pour lui. Quelques ans après, en 1745, il était ambassadeur à Vienne, Autriche. Il a fait ces deux postes sans grande distinction externelle, mais avec une évidente obéissance au roi. Pour lui-même, son poste à l'Angleterre a été absolument transformateur d'un point de vue de personnalité. Pombal a été absolument fasciné avec le système commercial anglais. Et ça, c'est devenu un axe central de toute son action. Refaire au Portugal un système commercial avec tant de succès comme les Anglais avaient. Pombal n'était pas un théoréticien, disons, ni même de la change sociale, mais il était un homme d'une énorme détermination qui avait un but très clair. Et le but, c'était, au commencement et pendant toute sa carrière, un de ses buts, c'était le développement économique avec des réseaux commerciaux modernes, disons comme ça, comme il avait vu en Angleterre. En tout cas, le fait est que dans ces deux postes, ses actions n'avaient pas reçu une grande attention des personnes et ses qualités ne semblaient remarquables en aucune façon. Le diplomate anglais, Sir Benjamin Keane, qui avait été à Lisbonne à la fin des années 40, le disait « stubborn, dull, of true asinine quality ». Oh, pas flatteur. Hein. Alors, il avait ça peut être un peu du cynisme diplomatique et ça révèle peu de perspicace dans cet ambassadeur anglais parce que Pombal avait beaucoup de défauts, mais il n'était pas dull, il n'était pas monotone. Mais en tout cas, ça montre qu'il n'était pas un homme brillant, ni un homme qui impressionnait dans les salons. Il était un administratif d'une ténacité, comme on verra après, et d'une capacité de travail absolument exceptionnelle. Même ses amis, dans ces périodes, le considèrent une personne plus ou moins grise, de laquelle il n'avait grande chose à espérer. Mais le fait, c'est que quand le roi change, et il faut ici rappeler les deux rois qu'il a servis, quand le roi change, il est nommé ministre, un ministre, disons, secondaire, mais ministre. Alors, ce sont les deux rois qu'il a travaillé. Don Juan V, c'est un roi aussi très intéressant dans l'histoire portugaise. Un royaume énorme, énorme, il était très très jeune. On se moque généralement de ce roi à cause de ses immenses aventures amoureuses. Et c'est vrai. Mais il faut aussi dire que Juan V a construit les plus importantes bibliothèques du Portugal. Ceux qui connaissent Portugal savent que la bibliothèque Joanine à Coimbra, la bibliothèque du couvent de Mafra et une autre bibliothèque qui s'est perdue dans le tremblement, la bibliothèque du palais du roi, sont trois bibliothèques exceptionnelles et construites par ce roi. Alors, il ne s'agissait pas du tout d'une image que parfois on vend les écrivains portugaises peintes en couleurs excessivement noires. Mais c'était aussi un homme complexe. Mais le roi que Pombal va vraiment servir et le roi de qui il sera le tout-puissant ministre, c'est José Ier, et un homme qui s'est, absolument effacé devant la stamina de Pombal qui a pris le contrôle absolument du pays dans ses mains. Cette image, très discrète de Pombal a soudainement changé avec le tremblement de terre de Lisbonne. Pombal a immédiatement compris que la réaction au tremblement était son moment historique. La dimension de la tragédie était telle que le roi et la cour ont presque paralysé. Toute l'organisation administrative du royaume a collapsé. C'était le moment idéal pour un homme avec le profil de Carvalho, avec un très grand sang-froid et une détermination inquébrantable. Il a pris contrôle total de la situation. Et il a immédiatement commencé la restauration et l'ordre, remettre l'ordre de la ville et à prendre ses décisions. Je n'ai pas le temps de commenter ici, mais ce moment-là, c'est absolument décisif. Et de 1755 en avance, il est l'homme qui contrôle le pays. C'est intéressant de regarder que son contrôle de la ville l'a permis de la refaire avec son projet. Les personnes qui connaissent la basse de Lisbonne, la basse pombaline, comprennent qu'est-ce que ça veut dire. C'est une ville rationnelle, géométrique, ordonnée. C'est une ville qui obéit en plan général d'un homme qui a tous les moyens pour le faire et qu'il y a des choses qu'elle a dedans, des choses d'un point de vue d'ingénierie, du génie de construction très intéressantes. Mais c'est d'un autre point de vue une ville un peu totalitaire. Et tout le monde sait que c'est une partie déserte de la ville de Lisbonne parce que les formes de spatialité typiquement méditerranéennes sont abandonnées. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de coin pour convivre. Alors la vraie vie a absolument changé. Cette dualité, c'est très pombaline. Alors, les actions du Pombal en réponse au tremblement préfigurent les actions dans les années suivantes. Une énorme énergie, détermination, une absolue confiance en soi-même, en position sans regret d'une vision personnelle et élimination systématique et radicale de toute opposition. Mais en toute situation, en énorme désir de moderniser. Ça, c'est l'élément important. Un mot qui apparaît continu dans les écrits de Pombal, c'est la nécessité de moderniser. Et c'est dans ce contexte, dans le contexte où la modernité est impossible de proposer ou de penser sans science, que le projet scientifique va apparaître. Quelles sont, pour résumer brièvement les actions générales et pour aller directement aux aspects éducatifs et scientifiques, quels sont les deux axes principaux de l'action de Marquis de Pombal? Ils sont de 1. La consolidation du pouvoir de l'État en centralisme statal très aigu, très fort, en axe très important, et 2. La question économique, le développement commercial comme un but de la gouvernation, un but direct. C'est dans ce cadre que le problème éducatif va se mettre, et d'abord par une question circonstancielle qui va devenir énorme. Et la question circonstancielle, c'est l'adversité envers les jésuites. À l'origine le conflit entre Pombal et les jésuites, le problème qui se pose est surtout économique. Et il s'agit d'une situation très complexe dans l'Amérique du Sud. Basiquement, pour dire, Pombal accuse les jésuites de gouverner des énormes régions d'Amérique du Sud sans aucun contrôle de la cour à Lisbonne. Disons comme un gouvernement, un État parallèle, mais un État parallèle dans une région très riche. C'est un peu exagéré, mais il y a beaucoup de vérité dans cela. Et alors, le problème initial, c'est un problème économique. Mais Pombal est aussi un fils de son temps. Et le fait, c'est que dès le commencement du XVIIIe siècle, qu'il montait et se développait une critique à la pédagogie jésuite. Et ce que Pombal va faire, va prendre ce mouvement de la société de critique à la pédagogie jésuite et va faire une attaque très très violente au système éducatif jésuite avec le but d'expulser les jésuites. Ce qu'il va à réussir. Mais je veux dire ici, souligner sur ce point que la question est beaucoup plus complexe que seulement une question éducative. Non. En fait, les jésuites étaient des adversaires formidables. Pourquoi ? Bon, il faut voir qu'est-ce que c'était la Compagnie de Jésus à ce moment au Portugal. Le premier aspect, c'est qu'il s'agit d'une organisation supranationale. Alors, le système éducatif portugais était à ce moment-là, contre ce que la propagande de Pombaline va dire, mais était vraiment intégré dans son système international. Et ça, je retournerai à cette question internationale. Un autre aspect, c'est la dimension. Ça, c'est la liste des collèges jésuites jusqu'à 1759, sont les dates de fondation. Et c'est un système éducatif énorme. Les numéros disent quelque chose comme 80% de l'enseignement secondaire était dans les mondes des jésuites au Portugal. C'est un système extrêmement puissant et avec tous les niveaux de qualité. Il y en a des bonnes écoles et de très mauvaises écoles ici. Et une critique qui va être faite que c'était un système seulement pour une élite, c'est pas du tout vrai. Les numéros ici sont environ 20 000 jeunes au XVIIIe siècle quand Pombal les expulse. 20 000 jeunes dans le système éducatif. Évidemment, un système avec 20 000 élèves, il n'y a pas 20 000 nobles au Portugal. Alors, c'est pas un système exclusivement élitiste. Les jésuites avaient à ce moment-là une ambition déjà universelle. Mais c'est un système énorme. qui éduquait le pays. Les autres ont fait. Ça, c'est en fait. Qui éduquait le pays. Ici en France, je crois, et l'autre pays, il y a une concurrence d'autres ordres religieux. Au Portugal, la concurrence d'autres ordres religieux, par exemple les oratoriens, était toujours marginale. Hein. Il y en avait, mais les oratoriens avaient deux collèges. Hein. Ça, c'est toute une autre échelle. Un des aspects intéressants, c'est que si on regarde, par exemple, le professeur de mathématiques, c'est que le système jésuite a permis une internationalisation très très peu commun dans l'histoire portugaise. Par exemple, dans cette liste de professeurs, en rouge, j'assignale tous ceux qui ne sont pas portugais. Alors il y en a un numéro très significatif de professeurs non portugais, quelques-uns des mathématiciens très compétents. On voit là par exemple Greenberger, très fameux, qui va substituer Clavius. On voit là, par exemple, Giovanni Paolo Lembo. Toutes les personnes qui connaissent l'historiographie de Galilée savent que Lembo, c'était le constructeur de télescopes du Collège romain. On voit, par exemple, Borri, une personne très connue aussi, ou Jan Siermans, un Hollandais des Pays-Bas, très important, etc., etc. Alors, c'était un système. Il faut montrer cela parce que la rhétorique pombaline va accuser les jésuites de totale absence de connaissances scientifiques, etc. Et ça n'est pas du tout. Aujourd'hui, c'est clair que ça n'est pas du tout vrai. Alors, avec cette désir de éliminer l'influence politique, économique des jésuites, Pombal avait par nécessité de les éliminer comme éducateurs. Et ça, c'était un dilemme. Hein. Il faut. Pombal se trouve devant un dilemme. Était-il possible d'implanter ces réformes éducatives avec les jésuites? Et sinon, était-il possible d'avoir un système éducatif au Portugal sans les jésuites? Alors, ce dilemme, Pombal n'a hésité pas beaucoup, il n'était pas un homme pour hésiter. Et il a décidé d'expulser les jésuites, passe ce qu'il passe après. Ce qu'il s'est passé après a une double lecture. D'un point de vue du système secondaire, ce qui s'est passé après a été très compliqué parce que Pombal n'a pas jamais réussi à refaire un système comme cela. Alors les problèmes se sont montés, et Pombal a décidé de faire un système éducatif pour les nobles, disons. Il a décidé de se concentrer seulement dans les nobles. Et il a créé, on a déjà entendu parler, une très intéressante institution qui s'appelle Real, le Collège des Nobles, à Lisbonne, très bien équipée, avec des professeurs très bien choisis, avec une présence de disciplines scientifiques très, très importante et avec une collection d'instruments scientifiques vraiment notables. Et tout ça sont des signaux, des choses qui montrent un énorme désir de moderniser l'enseignement scientifique et en plus de faire que dans l'éducation d'un noble, la science était une partie importante. En tout cas, la dimension s'est très très réduite et d'un point de vue national, les historiens sont d'accord que l'action de Pombal au niveau du système secondaire, c'était un échec et il n'a pas réussi ses plans. Une chose différente, c'est ce qui s'est passé avec l'université. Quelques ans après, Pombal a totalement réformé l'université de Coimbra, à un tel point qu'il y a des historiens qui appellent une deuxième fondation parce que toute la structure de l'université s'est absolument changée. Non seulement tous les statuts sont absolument nouveaux, avec une organisation tout à fait distincte, et c'est vraiment une coupure dans l'histoire de l'université au Portugal, parce que jusqu'à la réforme pombaline, l'université est, disons, comme développement d'une université médiévale et de la Renaissance. Et la coupure, c'est à ce moment-là, la structure devient vraiment une structure moderne, avec par exemple une faculté de philosophie naturelle qui inclut la physique expérimentale, une faculté de mathématiques, une faculté de médecine, etc., avec des cours, par exemple, dans la faculté des mathématiques, l'obligation des cours structurés comme presque comme on a aujourd'hui, des cours d'analyse, d'algèbre, d'astronomie, etc., construction d'instruments, etc., etc. Mais en plus de l'organisation, la réforme, c'est aussi une réforme énorme d'un point de vue des installations. Et Coimbra entre dans un process de construction totale. Les bâtiments sont tous renouvelés et des nouveaux bâtiments sont construits. Par exemple, cette conscience très intéressante de qu'il y a des lieux propres pour une, disons, pratique scientifique et aussi pour un certain type de sociabilité scientifique dans les observatoires, laboratoires chimiques, jardins botaniques, les dispensaires pharmaceutiques, le théâtre anatomique, toute une série d'installations scientifiques qui ont été construites à ce moment-là. Bon. J'ai encore 2-3 minutes. Alors, je termine. En tout cas, très bref, hein, Pombal en 30 minutes, pas mal. Hein. quel est le jugement de tout cela? Bon, le jugement, comme j'ai essayé de dire, c'est un jugement multiforme. Hein, multiforme. Et c'est dans beaucoup d'aspects paradoxaux. Par exemple, une des choses qui a plus choqué l'Europe, c'était la brutalité avec laquelle elle a exécuté les familles nobles. Ça, c'est en dessin. Elles ont été torturées en public et puis exécutées, les plus importantes nobles au Portugal, pour éliminer toute espèce de concurrence. Ça, c'est un très important de cet homme. Par exemple, un autre exemple, l'Inquisition monte d'action brutalement avec Pombal. Maintenant, une Inquisition beaucoup plus foquée dans les aspects de l'État, le contrôle des livres sur l'État, pas tant la question religieuse, mais en tout cas des instruments de contrôle très très forts. Mais en même temps, les tentatives de modernisation sont innégables. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, un de ses plus proches collaborateurs a fait un jugement très bref, mais que je pense est très très important. Le collaborateur, c'est Antonio Ribeiro dos Santos, un homme qu'il a nommé le chef de la Bibliothèque royale. Et il a dit, alors c'est un admirateur, il dit, Pombal voulait civiliser la nation et au même temps la faire esclave. Il voulait diffuser les lumières des sciences philosophiques et au même temps élever et agrandir le pouvoir du despotisme royal. Alors cette tension, c'est permanente dans le cas de Pombal. Ce que je dirais, de mon opinion, c'est que les conséquences sont elles-mêmes un peu paradoxales. Parce que Pombal, qui n'était pas un théoricien de la réforme, il était un homme de l'action, vraiment, ce qui est son plus profond légat, ce sont des idées. Ce sont des idées, même quand on refuse ces modes d'action, il y a des idées là, et je pense que ça serait une surprise pour lui-même. Idée comme une définition de modernité qui ne peut pas ne pas contenir la science, comme un exemple, une connexion très très étroite, et ça c'est absolument clair en Pombal, entre science et développement économique, et l'idée de qu'une éducation qui ne contient pas connaissance scientifique n'est pas une éducation complète. Ces trois éléments, je les trouve très après Pombaline, ou pour dire d'autres formes, ils ne prennent vraiment que du corps dans l'histoire du Portugal qu'après Pombal. Merci beaucoup.